Connaissez-vous le décement des Pyrénées? Curieux petit mammifère qui peuplerait les cours d'eau pyrénéens. Suivez pas à pas un jeune photojournaliste qui rêve de réaliser les premières images subaquatiques de cet animal dans son milieu naturel. Cette lecture, chapitre après chapitre, vous mène à la rencontre des acteurs du territoire qui contribuent à faire sortir de l'ombre l'un des mammifères les moins connus de France. Chapitre 4. Au plus près du Desmin. Depuis moins d'une heure, je suis en route pour la vallée d'Ossau. Ma voiture est chargée comme jamais. De quoi tenir 10 jours en montagne avec tout mon attirail de bivouac, de matériel photo, sans compter mon équipement de plongée. Mes prévisions météo sont bonnes, je suis heureux. Après 3 bonnes heures et un court arrêt à la maison du parc de la Reims pour régler quelques formalités, je me gare et emprunte le sentier qui mène au refuge. Je dois y rencontrer Pierre, le gardien. Il connaît bien le Desmin et l'a déjà observé plusieurs fois. Les questions fusent dans mon esprit. Quand le voir? Où le trouver? À quoi ça ressemble dans l'eau? Et quel réglage pour mes photos? Rencontre avec Gallimis pyrénaicus, mammifère semi-aquatique, emblématique des Pyrénées. Me voilà à la porte du refuge. Depuis la terrasse, la vue du pic du Midi d'Ossau est impressionnante. J'ai rencontré peu de monde en montant. La belle saison pour randonner n'a pas tout à fait commencé. Pierre m'accueille de sa grande voix et me serre, ou plutôt me broie la main. On sent tout de suite qu'on a affaire à un montagnard, un passionné. Il est intarissable. L'année dernière, en fin de saison, il s'est amusé à retourner au même endroit, à la même heure pendant une semaine, et a pu observer régulièrement du Desmin. Selon lui, ce dernier ne s'éloigne pas beaucoup du bord, à une distance d'un mètre environ. Il fouille le fond, puis revient et disparaît sous la berge aussi vite qu'il est apparu. Une véritable torpille. On y est. Me voilà seul et contemplatif devant un lac aux eaux turquoises, baigné d'une douce lumière. J'ai suivi scrupuleusement les indications de Pierre. Première étape, je prépare mon appareil photo étanche. Je fais quelques réglages en l'immergeant. Vu que le Desmin est rapide, j'opte pour une vitesse élevée et un grand angle. Première journée, les heures défilent sans l'ombre d'un Desmin. La chance du débutant n'a pas l'air d'être au rendez-vous. De temps à autre, je change de secteur mais je ne vois rien. Deuxième jour, rien non plus. Scruter en permanence mon propre reflet dans l'eau commence à devenir oppressant. J'ai tenté des observations nocturnes avec ma lampe frontale mais rien. Me voilà face à moi-même et mes questionnements. C'est encore plus difficile que je n'aurais pu l'imaginer. Mis à part les allers-retours incessants d'un simple plongeur et la lente déambulation de quelques calotritons, aucune vue de Desmin. Il faut agir différemment. Tout seul, c'est impossible. Comme me l'avaient soufflé mes précédentes rencontres, il semble incontournable d'être plusieurs observateurs, positionnés stratégiquement, afin de pouvoir observer le moindre mouvement dans l'eau, et mettre toutes les chances de son côté. En rejoignant ma tante, je décide de redescendre le lendemain jusqu'à ma voiture pour contacter des amis. Me revoilà sur site, mais cette fois-ci en compagnie d'amis dévoués, plus que jamais motivés. Les guetteurs sont en place et le cincle est toujours là. La matinée se passe tranquillement, ça discute, ça rigole. De temps à autre, on discerne l'ombre des vautours à la surface de l'eau, quand soudain, là, ça bouge. Je crois que c'est un Desmin. Tout le monde se précipite. C'en est un! Voilà notre premier Desmin qui s'éloigne du bord. Tout excité, je tente quelques images depuis la surface. Et puis plus rien. Ce n'est pas grave, nous avons notre premier spot d'observation. Tout le monde redouble d'attention. Je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil rapide sur l'écran. Mes premières photos sont, comment dire, floues. Pierre avait raison. Quand le Desmin chasse, il soulève tellement de sédiments qu'on voit juste un bout de sa queue, une patte, quelques bulles, dans un nuage et un éclair. Plus rien. Je n'ai pas le temps de finir de regarder les clichés qu'un Desmin sort au même endroit. Cette fois-ci, il longe la berge à droite, bifurque à gauche, puis disparaît. J'enfile ma combinaison, masque, tuba. Je rentre délicatement dans l'eau pour ne pas trop soulever de sédiments et me place face à la berge dans l'axe où le Desmin est sorti. J'effectue quelques réglages quand j'entends. « Attention, il sort !» Je plonge la tête et là, devant moi, un Desmin arrive en trombe. Quelle rapidité! Tant pis, je n'ai pas le temps de cadrer, je mitraille. C'est dans la boîte. Les sorties du Desmin s'enchaînent. C'est fantastique. Jusqu'en fin d'après-midi, grâce à la complicité de mes amis, je réalise de nombreuses images et observe le Desmin dans son milieu naturel, sans le déranger. Je garderai longtemps en mémoire le moment où il est passé au-dessus de mon bras, puis a plongé, et s'est mis à fouiner autour de mon pied comme si de rien n'était. Aucune appréhension de l'homme. C'est comme s'il n'avait même pas conscience de ma présence. Grâce à notre stratégie, les journées suivantes ont été tout aussi fructueuses. Les décements ont effectivement des habitudes assez spécifiques. Nous avons pu en observer jusqu'à 3 en même temps, à des endroits différents. Nous avons même réalisé des observations de nuit. Les décements semblent alors s'aventurer plus loin de la berge et faire de plus longs déplacements. Il y a vraiment un côté magique à les voir se mouvoir dans cette obscurité, à peine éclairée par la lumière de nos frontales. On comprend bien qu'ici, que la nature n'est pas son principal atout pour chasser et se déplacer. Il semble avoir un parcours sensoriel déjà tout tracé. Ça y est, fin de l'aventure. Je repasse au refuge pour remercier Pierre, et je redescends avec mes amis vers la civilisation, satisfait et soulagé. Si mes tout premiers clichés subaquatiques ne sont pas très concluants, en cernant ses habitudes de chasse, j'ai pu faire des images bien meilleures et collecter des informations intéressantes sur son comportement. Moi qui n'avais jamais vu de décement. Là, je dois dire que je n'en reviens pas. Quelle expérience! Dans la voiture, je me remémore ces bons moments partagés avec mes compagnons le soir, autour de la tente, passé à regarder les images du jour sur mon écran d'ordinateur et à débriefer pour le lendemain. Il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour vivre des expériences extraordinaires. Ce week-end, je m'octroie un peu de repos bien mérité à Kounouzoul, mon village. J'en profiterai pour y rencontrer Bruno, le directeur de la Fédération Haute-Claire, un autre partenaire de l'aventure Life Plus Desmond. C'était un chapitre du livre Desmond des Pyrénées. Vous pouvez poser vos questions aux auteurs du livre à l'adresse desmondmasqué@gmail.com. Un dernier podcast permettra de répondre aux questions. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Vous pouvez aussi commander le livre Desmond des Pyrénées, illustré de dessins et photographies inédites sur le site www.desmondmasqué.com. Desmond des Pyrénées, un livre de Frédéric Blanc, Aurélie Calmet, Mélanie Nemoz et Lucas Santucci.